Chapitre 168. Les règles à respecter au cours du voyage, dans le campement la nuit, la façon de dormir, et la recommandation de traiter les montures avec douceur et attention, et la permission de les monter à deux si elles peuvent le supporter, et l'ordre de respecter leurs droits. 962. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: lorsque dans vos voyages vous traversez une terre abondante en pâturage, laissez-y paître vos chameaux. Et quand vous traversez une terre aride, hâtez-vous avant qu'ils ne s'épuisent. 962. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: lorsque dans vos voyages vous traversez une terre abondante en pâturage, laissez-y paître vos chameaux. Et quand vous traversez une terre aride, hâtez-vous avant qu'ils ne s'épuisent. Quand vous campez la nuit, écartez-vous des routes, car les bêtes les empruntent également, et les animaux venimeux s'y retrouvent la nuit. Muslim. 963. D'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, faisait une halte la nuit pour se reposer au cours de ses voyages, il se couchait sur le côté droit. Mais s'il s'arrêtait peu avant l'aube, il se contentait de lever son avant-bras, le coude sur le sol, et de poser sa tête sur la paume de sa main. Muslim. Les savants musulmans disent: il ne levait ainsi son avant-bras que pour éviter de dormir profondément et d'accomplir la prière du subh en retard, voire après l'heure prescrite, le lever du soleil. 964. D'après Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: voyagez de nuit, car la nuit raccourcit les distances. Littéralement, la terre est pliée. Abu Daoud avec une bonne chaîne, Isnad. 965. D'après Abu Tha'laba al-Khushani, radiallahu anhu, lorsque les compagnons s'arrêtaient pour camper en voyage, ils avaient pris l'habitude de se disperser dans les sentiers de montagne et les vallées. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, leur dit un jour: cette manière de vous disperser dans ces sentiers et ces vallées ne vous a été inspirée que par Satan. Depuis ce jour, les compagnons ne campèrent plus jamais sans se regrouper. Abu Daoud avec une bonne chaîne de narrateurs. 966. D'après Sahl ibn Amr ibn al-Hanzaliya, radiallahu anhu, l'un des compagnons ayant participé au serment d'allégeance de Ridwan, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, passa à côté d'un chameau décharné, littéralement, dont le ventre était collé au dos, et dit: craignez Allah dans votre manière de traiter ces bêtes qui ne peuvent pas parler. Prenez-les comme monture quand elles en sont capables et mangez la viande de celles qui conviennent. Abu Daoud avec une bonne chaîne de narrateurs. 967. Abu Ja'far, Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, m'a un jour fait monter en croupe derrière lui et m'a confié certaines choses que je ne divulguerai jamais à personne. Abdullah ajouta: il aimait, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il allait faire ses besoins, se protéger des regards derrière un monticule, une construction élevée, ou encore à l'intérieur d'une palmeraie. Cette version résumée a été rapportée par Muslim. Al-Barqani ajouta à cette version, selon une chaîne, un isnad, de Muslim: il entra donc un jour, alayhi salatu wassalam, dans la palmeraie d'un ansar où il découvrit un chameau. Lorsque l'animal vit le messager d'Allah, il commença à blatérer, et des larmes coulèrent de ses yeux. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'approcha alors de lui et le caressa sur la bosse et derrière l'oreille, ce qui apaisa le chameau. Ensuite, il demanda: qui est le propriétaire de ce chameau? À qui appartient-il? Un jeune ansar s'avança en répondant: il est à moi, ô messager d'Allah. Il lui dit, alayhi salatu wassalam: ne crains-tu pas Allah au sujet de cette bête dont il t'a accordé la propriété? Ce chameau se plaint que tu l'affames et que tu l'exténues. Abu Daoud, selon la narration d'Al-Barqani. 968. Anas radiallahu anhu rapporte: lorsque nous campions, nous n'accomplissions pas de prière volontaire, nafila, avant d'avoir décelé nos chameaux. Abu Daoud, selon une chaîne de narrateurs conforme aux critères de Muslim.